Section 108 de La Lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 6e, section 108. Une bonne histoire par Olivier Chantal, chapitre 1. Elle est fort gentille, la mignonne Madame Berthollet, avec sa frimousse de gamin, ses petits yeux vifs et fureteurs de souris myopes et les frisottements naturels de ses cheveux cendrés, si bien faits pour sa chair délicatement transparente et rose. Avec cela, de petits pieds, de petites mains, les attaches fines, un corps aux proportions charmantes, bien modelées, la forme d'une figurine de Saxe. Et nul n'en ignore, car la coquette aime à s'attarder, après le bain, l'été, sur la petite plage de Berg, où d'ailleurs elle connaît tout le monde. Une seule chose dépare cette spirituelle et jolie femme, c'est sa vertu. Non, rien ne saurait vous donner une idée de cette vertu qui dépasse en importance toutes les vertus connues. Elle prend une place énorme, elle est encombrante. À tout propos, et même hors de propos, elle arrive, reléguant au second plan ses bonnes et simples vertus aimables et sans prétention, dont la sereine confiance ne connaît pas les folles entreprises et les déclarations agenouillées de téméraires adorateurs. Madame Clotilde Berthollet ignore la sécurité comme l'indulgence. Il paraît qu'elle jette le trouble dans beaucoup de cœurs d'hommes et se voit souvent dans la nécessité de remettre l'impertinent à sa place. Voilà pourquoi cette jeune femme demeure sur le pied de guerre, et vous comprenez bien aussi qu'elle soit dure aux autres de par ses perfections. Nulle tenue ne la satisfait. Et quel coup d'œil, mes bons amis! Il voit tout, il incrimine tout, et découvrirait des taches au soleil. Ah, petite Madame Berthollet, votre vertu sonne avec des accents de fanfare. Et votre mari, non moins jeune et non moins charmant que vous, est un heureux mortel. Fin de la section 108.